Le journalisme et où commence la désinformation, c'est-à-dire la divulgation intentionnelle de fausses nouvelles. En ces temps si hasardeux, il n'est pas inutile de se poser la question tant est grande la tentation de manipuler les opinions. Mais M. X m'a proposé de remonter un peu en arrière, car les spécialistes incontestés de la désinformation ont été les soviétiques. Et nous l'avons vu, il n'y a pas si longtemps, en parlant de l'irrésistible ascension de Poutine, il semble bien que les vieilles méthodes du KGB n'ont pas été oubliées en Russie. En URSS, la désinformation faisait partie de ce que les stratèges de l'espionnage appelaient les mesures actives, c'est-à-dire les méthodes destinées à tromper l'adversaire. Marcel Chalet, qui fut le patron de notre service de contre-espionnage, en donne un parfait exemple dans un livre intitulé « Les visiteurs de l'ombre », je le cite. On fabrique par exemple un personnage, si on ne l'a pas sous la main, qui est supposé avoir des informations privilégiées grâce à des circonstances particulières, à son propre talent ou à son esprit d'initiative provenant de milieux proches du pouvoir. Et ce monsieur va colporter jusqu'au niveau souhaité les informations qui lui auront été distillées en parfaite connaissance de cause. C'est une sorte de diplomatie parallèle qui sera ainsi mise en place, l'agent d'influence rapportant, comme le ferait un ambassadeur, les confidences reçues de personnalités bien placées. L'un de ces personnages, évoqué par Marcel Chalet, s'appelait Victor Louis. Mort en 1992, ce journaliste soviétique, qui travaillait essentiellement pour la presse occidentale, a été l'un des as de la désinformation. Mais était-il pour autant un agent stipendié du KGB? Monsieur X répond dans un instant. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Dans son genre, Victor Louis était une star, un personnage hors du commun, surtout si l'on tient compte du caractère rigide et quasi-concentrationnaire du système soviétique. Une star, vous n'exagérez pas un peu, là ? Absolument pas. Imaginez qu'à l'heure où beaucoup de gens devaient se résigner à vivre dans des logements communautaires, ce type vivait dans un luxueux 6 pièces de la perspective Lénine. Un appartement équipé des appareils dernier cri importés d'Occident. Mais il possédait aussi une datcha située près de Moscou, dans un quartier réservé aux dignitaires du régime. Piscine chauffée, cours de tennis, cave garnie de vin fin, enfin Victor Louis ne se refusait rien. Vous voulez dire qu'on ne lui refusait rien? C'est évident, j'ajoute, et c'était inouï en URSS qu'il possédait plusieurs voitures, dont une Porsche. D'autre part, ce dandy qui collectionnait œuvres d'art et icônes pouvait voyager à sa guise dans le monde entier. Et alors que les soviétiques devaient montrer patte blanche pour sortir du URSS. Et qu'il leur était pratiquement interdit de fréquenter les étrangers sous peine d'encourir les foudres de la police secrète. Mais Victor Louis, lui, donnait de fastueuses réceptions dans sa datcha où l'on retrouvait la crème des diplomates ou journalistes occidentaux présents à Moscou. Alors que lui valait ce traitement singulier? Je vais y venir, mais si vous le permettez, on va s'attarder un petit peu sur la personnalité de ce curieux journaliste. D'accord, hein. Victor Louis, né à la fin des années 20, se serait appelé en réalité Vitali Eugenevitch. Louis sans S. Il prétendait être un lointain descendant de gnaux français qui avaient fui notre pays après la révocation de l'édit de Nantes. Mais certains, non, sans un relent évident d'antisémitisme, affirmaient que son véritable patronyme était Lévin. Ah oui, à une époque où, faut le remarquer, l'antisémitisme était très virulent en URSS. Mais hein. Surtout sous Staline. Le jeune Victor Louis, d'après ce que nous savons, aurait fait des études de droit et de langue étrangère. Vous employez le conditionnel à dessein, là? Oui, parce qu'il faut bien dire qu'il y a beaucoup de zones d'ombre dans le passé du journaliste. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que Victor Louis était cultivé, qu'il parlait l'anglais et le français à la perfection. Il aurait d'abord commencé par être traducteur dans 2 ambassades, celle de Nouvelle-Zélande et de Suède, peut-être même celle de Grande-Bretagne. En général, les soviétiques qui travaillaient pour les diplomates occidentaux étaient souvent des agents du KGB. C'est vrai. Mais en ce qui concerne Victor Louis, je n'en sais rien. Une parenthèse, vous est-il arrivé de le croiser? Bien sûr. On le rencontrait partout où il se passait ou allait se passer quelque chose. C'est un type charmant, très sympathique, toujours élégant. un grand échalas distingué, au visage rond, auquel de grosses lunettes donnaient un air d'intellectuel. Mais je continue. D'accord. À la fin des années 40, Victor Louis a de sérieux ennuis. Mais là encore, on ne sait pas exactement pourquoi. Ses ennuis, hein. Il est envoyé au goulag, selon les uns. Des gros ennuis. Oui, oui, il aurait été convaincu d'espionnage. Ouais. Ses contacts peut-être avec des diplomates occidentaux. Hein. Peut-être. Mais selon d'autres, il aurait été condamné pour marché noir et trafic de devises. Puis s'il était réellement juif... Oui, vous avez raison. On est alors au sommet de la campagne antisémite. Quoi qu'il en soit, Victor Louis est donc déporté. Et il ne sera libéré que lorsque Khrouchtchev prendra le pouvoir. Et donc à la faveur de la déstalinisation. Oui, mais je reviens sur les années qu'il a passées au goulag. L'écrivain Solzhenitsyn soutient que Victor Louis était un mouchard chargé de rapporter à ses geôliers les propos de ses co-détenus. Et c'est grâce à cette collaboration qu'il aurait dû d'être libéré. Et à votre avis ? Ben, encore une fois, je n'ai aucune certitude. Je note simplement que le Solzhenitsyn avait de bonnes raisons de lui en vouloir. Mais enfin, ça, on en reparlera. Bon, alors, une fois libéré, que devient-il ? Il se lance dans le journalisme. Mais pas le journalisme soviétique, non. Victor Louis devient l'adjoint d'un célèbre correspondant britannique à Moscou, Edmund Stevens, du Sunday Times. J'imagine que pour travailler avec un journaliste occidental, il faut obtenir certaines autorisations. Évidemment, ça n'a pas pu se faire sans l'accord des organes, comme on disait pudiquement, pour désigner les services de sécurité, et en particulier le KGB. Mais est-ce que cela signifie que, dès lors, Victor Louis est un agent du KGB ? Non. Enfin, soyons clairs, il n'est nul besoin d'être un agent pour collaborer avec le centre. Et d'ailleurs, Victor Louis était beaucoup plus utile en demeurant à l'extérieur. Pardonnez-moi, mais moi, je ne vois pas la différence. Je vous l'accorde. Alors, allons plus loin. Rapidement, le journaliste fait son trou dans le monde de la presse. Toujours la presse occidentale. Oui, Victor Louis va désormais être le collaborateur occasionnel de plusieurs grands journaux européens comme le Washington Post, le Daily Mail, le Bild Zeitung, France Soir et surtout l'Evening News britannique auquel il rapportera de nombreux scoops. C'était donc un authentique journaliste ? Je dirais plutôt que c'était un homme qui avait accès à de nombreuses informations confidentielles. Des informations que les dirigeants de l'URSS, pour une raison ou pour une autre, voulaient faire passer à l'Ouest. Oui, par un canal non officiel. Voilà. Ouais. Mais ces informations étaient-elles fiables ? Ben, il le fallait, obligatoirement. Pourquoi obligatoirement ? Parce qu'il importait que Victor Louis soit considéré à l'Ouest comme un vrai journaliste, c'est-à-dire un journaliste crédible. La suite de l'opération en dépendait. De quelle opération voulez-vous parler, là ? Bon, je ne vais pas vous faire languir, je veux parler des manœuvres de désinformation, ce que les spécialistes soviétiques du KGB appelaient les mesures actives. Donc, si je vous suis bien, on commence par fabriquer un personnage de journaliste tout à fait sérieux, hein, qui donne de vraies informations et même des scoops. Et lorsque sa crédibilité est établie, on se sert de lui pour intoxiquer l'Ouest. Voilà, c'est à peu près ça. J'ajoute que pour parfaire la personnalité du bonhomme, il fallait plus loin. Ah, c'est-à-dire ? Victor Louis, pour séduire ses confrères occidentaux, devait donner l'impression d'un homme lucide sur l'état du régime soviétique. Un type qui savait prendre ses distances et qui était le premier à rire des lourdeurs et des rigidités de son pays. Et le journaliste avait incontestablement des qualités pour interpréter ce personnage. De l'humour ? Beaucoup d'humour, oui. Victor Louis possédait une impressionnante collection de blagues antisoviétiques. Ça plaisait beaucoup dans les milieux occidentaux qu'il fréquentait. Il racontait par exemple, « Savez-vous comment on résout les problèmes agricoles chez nous ? C'est très simple. » On débaptise l'entreprise d'exportation de blé, on la renomme entreprise d'importation de blé. Très drôle, en effet. Ouais, toujours très féroce. En voulez-vous une autre ? Pourquoi pas, encore que vous ne m'ayez pas habitué à me raconter des histoires drôles. Hein. Bon, eh bien, commençons. Victor Louis posait aussi cette question. Savez-vous pourquoi les chapeaux de fourrure sont si rares aujourd'hui, alors qu'ils étaient si abondants sous Staline ? Et la réponse, alors ? C'est que sous Staline, on abattait plus de têtes que d'animaux à fourrure. Ce genre de blague montrait à l'évidence que Victor Louis était un homme qui jouissait d'une vraie liberté d'expression et qui n'avait pas peur de prendre des risques. Mais il avait un autre atout dans ses manches pour séduire les Occidentaux de Moscou. Quoi ? Son épouse. Une charmante Anglaise, Jennifer, une femme intelligente qui elle aussi va tâter du journalisme et qui, en particulier, va éditer régulièrement un petit ouvrage très pratique. Un répertoire des gens qui comptent à Moscou avec leurs adresses et leurs numéros de téléphone. Oui, une sorte de ouzou, de trombinoscope qu'on en a dit chez nous pour les parlementaires et les hommes politiques. Oui, ça, cet agenda a connu un grand succès, car figurez-vous, l'URSS était un pays sans annuaire. Ah bon, pour quelle raison ? Bah, l'obsession du secret, j'imagine. Et comment donc avait-il rencontré cette Anglaise ? Il l'avait connue alors qu'elle était gouvernante des enfants de l'attaché naval britannique à Moscou. Décidément, Victor Louis s'intéressait beaucoup aux diplomates. Je ne vous le fais pas dire. Fresh. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Le journaliste Éric Demony a connu Victor Louis alors qu'il était lui-même en poste à Moscou. En 1981, il a écrit pour l'Express un portrait du journaliste soviétique. En voici le début. Le meilleur maître de maison de Moscou est un citoyen soviétique du nom de Victor Louis. Il a à peine plus de 50 ans, une femme anglaise et blonde prénommée Jennifer, très bon chic, bon genre, trois enfants élevés moitié en Union soviétique, moitié en Grande-Bretagne. Il y a surtout un duplex de 6 pièces sur la perspective Lénine et une grande datcha de 3 étages avec parc privé dans cette zone privilégiée de Bakovka, au nord-ouest de Moscou, où normalement les étrangers ne peuvent pénétrer sans autorisation. C'est le plus souvent à Bakovka que Victor Louis accueille ses invités. Assistance triée sur le volet où se retrouvent généralement plusieurs ambassadeurs et une poignée de correspondants de presse occidentaux, mais rarement les soviétiques. Dans cette propriété, il aime assez épater les nouveaux venus avec sa cave, maintenant ses bouteilles de vin fin à température constante, avec son étonnante collection d'objets d'art où se mêlent icônes, toiles diverses et meubles sculptés, avec les engins compliqués de sa chaîne haute fidélité, ses télévisions en couleur et les derniers appareils ménagers américains. À cela s'ajoutent une piscine, un court de tennis et un vaste garage abritant une Porsche, une Land Rover et une Mercedes 300 blanche. Je reviens là sur votre dernier propos, le mariage de Victor Louis avec la gouvernante des enfants de l'attaché naval britannique. Qu'est-ce que vous soupçonnez ? Le journaliste ne devait pas s'intéresser à cette jeune et jolie femme par hasard, c'est tout ce que je peux dire. Ouais, c'est-à-dire que c'était d'abord son employeur qui était l'objet de ses préoccupations ? C'est probable, mais parfois on peut joindre l'utile à l'agréable, n'est-ce pas ? Et puis je vous le laissais entendre, ce mariage avec une Anglaise faisait plutôt bien dans l'image que Victor voulait donner de lui-même. À l'époque, c'est-à-dire en pleine guerre froide, les soviétiques mariés et les occidentales étaient plutôt rares. Certainement. Alors, précédemment, vous avez dit que Victor Louis devait crédibiliser son personnage de journaliste très bien informé, en trouvant des scoops. Vous avez des exemples ? Oui. Il a été le premier, en 1961, à annoncer que les dirigeants soviétiques avaient décidé d'extraire le corps de Staline du mausolée, où il reposait à côté de la dépouille de Lénine. Bon, d'accord, ça n'était qu'un geste symbolique, mais vous savez combien dans l'ex-URSS les symboles avaient de l'importance. Autre scoop ? Encore plus retentissant. En 1964, il annonce avec 12 heures d'avance sur l'agence TASS la disgrâce de Khrouchtchev et sa mise en rancard. Ah, ça me paraît en effet plus important. Hein. Donc assez vite, ce journaliste séduisant apparaît aux yeux de ses confrères occidentaux comme un des hommes les mieux informés de Moscou. Oui, mais est-ce que pour autant ces journalistes de l'Ouest ne se méfient pas un peu ? Ben là, vous avez peut-être raison de poser la question, car il ne manque pas d'être étonné par son train de vie fastueux et par la liberté de mouvement dont il dispose. Ouais, son train de vie, justement. Là. Victor Louis affirmait que c'était son seul travail de correspondant pour des journaux occidentaux qui lui permettait de vivre de façon aussi luxueuse, car ses employeurs le payaient en devises fortes et pas en roubles, naturellement. Et en ce temps-là, mais c'est toujours le cas, les livres et les dollars étaient très appréciés et permettaient des opérations de change très fructueuses. Oui, au marché noir. Bien entendu. Ça, ouais. Mais enfin, j'ai quand même du mal, moi, à croire que ces seules piges journalistes aient pu lui permettre un tel train de vie. Et une nouvelle fois, je suis d'accord avec vous. Manifestement, Victor Louis disposait d'autres ressources. Certaines légales et d'autres beaucoup plus secrètes. Légales. En dehors de son travail de journaliste ? Oui, c'était un homme extrêmement entreprenant. Je vous ai déjà parlé du répertoire que son épouse éditait. C'était bien entendu lui qui servait de rabatteur, à la fois pour récolter ses précieuses adresses et ses numéros de téléphone introuvables, mais aussi pour les vendre. Les diplomates et les journalistes en étaient très friands. Et puis il y avait le théâtre aussi. Le théâtre ? Toujours avec son épouse, Victor Louis avait adapté pour le public soviétique la fameuse comédie musicale américaine « My Fair Lady ». Ah, c'est étonnant ça aussi. Et les ressources secrètes alors, c'est quoi ? C'est le KGB ? C'est certain. Sa datcha où la vodka et le whisky coulaient à flot et le caviar se dégustait à la cuillère, c'est une sorte de piège à journalistes et diplomates. Un piège. Victor Louis essayait de recruter des informateurs ? Pourquoi pas ? En fait, à mon avis, ces fastueuses réceptions remplissaient deux objectifs. D'abord, comme vous l'avez imaginé vous-même, elles permettaient à Victor Louis, et donc au KGB, de recueillir de précieux renseignements et de cultiver des liens qui allaient peut-être au-delà des simples contacts sociaux. Mais en ces occasions, le journaliste distillait lui-même des informations à ses invités, des informations que le KGB voulait transmettre à l'Ouest par ce biais officieux. Vrai ou faux, ces informations ? D'abord vrai. Ah oui, toujours le souci de la crédibilité du personnage. Oui, et ensuite de moins en moins vrai. En fait, et c'était là toute l'habileté de l'opération pour mieux faire passer une information douteuse. Victor Louis ajoutait un tuyau garanti, vous comprenez ? Mais bon, ne retenons que les fausses informations, quelles étaient-elles ? Il pouvait s'agir, par exemple, de données erronées sur la situation économique de l'URSS ou sur la position soviétique au sujet de tel ou tel conflit. En fait, bien souvent, le KGB, via Victor Louis, lançait des ballons d'essai. Avant d'entreprendre une action, il testait ainsi la réaction des pays occidentaux et ensuite le Kremlin n'agissait qu'à coup sûr, en toute connaissance de cause. C'est à mon avis ce qui s'est passé pour le coup de Prague. La répression du printemps de Prague, vous voulez dire ? Oui. Encore une fois, Victor Louis a été le premier à faire savoir à l'Ouest que les soviétiques avaient décidé d'en finir avec Dubček au mois d'août 1968. Et l'information était malheureusement vraie. Mais si Victor Louis, à l'instigation des KGB, a transmis cette information capitale, c'était pour savoir si les Occidentaux viendraient ou non au secours des Tchèques. Et quand les Soviétiques ont été sûrs que rien ne se passerait, ils ont envoyé leur char à Prague. Mais là, on est tout de même assez loin de ce que l'on considère généralement comme de la désinformation. C'est juste. Enfin, comprenez bien que le journaliste Victor Louis ne pouvait se livrer à des manœuvres de désinformation qu'à partir du moment où il aurait acquis une certaine stature. Oui, c'est-à-dire quand il aurait fait la preuve de la qualité de ses informations. Évidemment, ouais. Il importait qu'on le croie. Et c'est seulement ensuite qu'il pourrait passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire transmettre des fausses informations d'importance susceptibles d'intoxiquer l'Occident. Mais auparavant, toujours dans le souci de polir son personnage d'homme indépendant, n'hésitant jamais à critiquer le régime, on l'a fait participer à une étrange affaire. Étrange, pourquoi ? Écoutez bien. Dans les années 60, un écrivain russe, Valéry Tarsis, faisait beaucoup de bruit. Et pour tout dire, en haut lieu, il commençait à agacer. Un dissident ? Oui, même si à l'époque, on n'appelait pas encore comme ça les contestataires en Union soviétique. Ce Tarsis, donc, on aurait pu l'envoyer au goulag pour se débarrasser de lui. Oui, mais c'est plus simple. Et le patron du KGB de l'époque, Yuri Andropov, a imaginé autre chose avec le concours de Victor Louis. Un plan assez machiavélique qui consistait autant à servir l'image du journaliste qu'à éliminer le trublion. Éliminer, vous voulez dire physiquement ? Non, mais laissez-moi vous raconter. Ce Tarsis est non seulement un contestataire, mais c'est aussi un excité, un type véhément qui a du mal à se contrôler. Et Andropov pense, non sans raison, que si l'on accepte de le laisser choisir les libertés, comme on disait à l'époque, il sera considéré à l'Ouest comme un malade mental. Oui, et non pas comme un opposant politique. Oui, et c'est ainsi que ce Valéry Tarsis est autorisé à quitter son pays. Mais il n'est pas seul. Victor Louis l'accompagne. Alors, pourquoi ? Pour le surveiller ? Attendez la suite. Les deux soviétiques se rendent donc à Londres, où l'épouse du journaliste, Jennifer, a toujours sa famille. Tarsis est même logé chez les parents de la jeune femme. Et peu après son arrivée, l'écrivain contestataire donne une conférence de presse. C'est Victor Louis qui est son interprète. Tarsis, égal à lui-même, se montre d'une violence extrême. Pour lui, les dirigeants soviétiques sont des fascistes, des esclavagistes. Et alors, Victor Louis traduit fidèlement ? Oui, peut-être même en rajoute-t-il un peu. En tout cas, les journalistes qui assistent à cette conférence et qui sont loin d'être pro-communistes en concluent que l'écrivain est un agité un peu surmené dont l'état mental requiert des soins. Andropov a donc vu juste. Et Victor Louis, qui n'a pas hésité à relayer les accusations de Tarsis, apparaît comme un homme courageux et intrépide. Il n'en fallait pas plus pour passer désormais à des choses autrement sérieuses. Péno, rendez-vous avec X. Nous allons revenir avec M. X sur la désinformation proprement dite, c'est-à-dire ce secteur des mesures actives où les spécialistes du KGB excellaient. Mais Victor Louis n'était pas seulement l'un des artisans de cette politique qui visait à intoxiquer les pays occidentaux, c'était aussi une sorte de diplomate officieux. Robert Lacontre, qui a longtemps été correspondant du Figaro à Moscou, l'a rencontré. J'extrais ces lignes d'un article publié dans le Figaro Magazine en 1980. Victor Louis, alias Vitali Levin, le journaliste le mieux informé de Moscou, affirme ceux qui ne le sont pas. Depuis 15 ans, c'est l'espion le plus connu, le plus célèbre de l'URSS, plus exactement l'agent non secret du Kremlin, le numéro un des public relations du KGB. Si je vous disais que ce n'est pas vrai, me croiriez-vous ? Certainement pas, alors pourquoi démentir ? A-t-il répliqué un jour à l'un de ses accusateurs. Le curriculum vitae de cet agent diplomatique est plutôt chargé. On l'a repéré en Iran, quelques mois avant la chute du Shah, en Afghanistan, à la veille de l'invasion, au Portugal, juste avant la Révolution. Il a flâné au Japon, au Mozambique, peut-être même est-il entré clandestinement en Afrique du Sud. À Taïwan, il a cherché à convaincre le fils de Chiang Kai-shek, qui a fait ses études à Moscou et qui parle couramment le russe, de négocier avec l'URSS un accord secret contre la Chine de Mao. En 1970, il a même été reçu par les dirigeants espagnols. L'année suivante, il a pris contact en catimini à Tel Aviv avec un membre du cabinet de Golda Meir qui a été en 1948 le premier ambassadeur de l'État juif à Moscou. Il s'agissait de savoir si les Israéliens envisageait de renouer des relations diplomatiques avec les Soviets. Il vient régulièrement en France, partout. On lui accorde son visa avec la déférence qui convient à un espion de premier choix. Son coup de maître, sa visite sur les bords du Potomac, c'est le vice-président Humphrey qui lui fit les honneurs de la Maison-Blanche. Victor Louis avait un maître, un redoutable espion qui s'appelait Ivan Agayant, un Arménien, chef du département D du KGB, un spécialiste des trucages de toute nature. Je crois déjà vous avoir parlé de cet homme qui a organisé en 1960 toute une campagne visant à faire croire au renouveau du nazisme en Allemagne de l'Ouest. Oui, je me souviens, c'était l'affaire Trémaux. C'est ça. Hein, oui. Victor Louis, même s'il n'était pas affilié réellement au KGB, a beaucoup travaillé avec Agayant. L'une de ses premières opérations sous les ordres de cet Arménien a consisté à essayer de piéger Solzhenitsyn. Mais de quelle façon hein? Le KGB avait réussi à se procurer le manuscrit du pavillon des cancéreux. Un des premiers livres de Solzhenitsyn. Mmh, ouais. Comment alors? Bon, en volant un exemplaire du manuscrit chez l'écrivain ou en le micro-photographiant. C'est Victor Louis qui s'est chargé de le faire passer à l'Ouest alors même qu'une revue soviétique devait le publier en URSS. Et dans quel but alors? C'était clair. Il fallait montrer que Solzhenitsyn était un traître à sa patrie, d'autant que l'un des éditeurs choisis était une maison d'édition dirigée par des Russes émigrés, donc très anti-soviétique. Okay. Et c'est peut-être pour ça, alors que Solzhenitsyn le détestait, enfin détestait Victor Louis, elle l'accusait d'avoir été un mouchard quand il était au goulag. J'en suis persuadé. À partir de là, Victor Louis est devenu une sorte de champion des manuscrits truqués ou arrangés, comme vous voudrez. Toujours à propos de Solzhenitsyn, le journaliste a ainsi diffusé une fausse interview de l'écrivain. Vous l'imaginez bien, Solzhenitsyn n'apparaissait pas sous son meilleur visage, mais comme un être pleurnichard qui cherchait avant tout à se faire passer pour un martyr et qui regrettait le bon temps de l'occupation nazie. Mmh. Autre exemple, peu après le passage à l'ouest de Svetlana Allilouyeva. C'est la fille de Staline, ça. Oui. Victor Louis a participé activement à une odieuse campagne de calomnie contre elle en faisant circuler de fausses interviews de ses proches ou même en allant vendre en Europe un exemplaire falsifié de ses souvenirs. Joli personnage, hein. Ah ben, c'était les méthodes de ce fameux département D du KGB. Et Victor Louis, qui passait pour l'un des hommes les mieux informés de Moscou, était tout à fait capable d'abuser ses confrères occidentaux et d'entretenir la confusion. Autre gros coup, le livre de mémoire de Khrouchtchev. C'est Victor Louis qui l'a fait passer en Occident. Et les vrais souvenirs de Khrouchtchev ou une version manipulée? Bon, il n'était bien sûr pas question de laisser l'ancien numéro 1 soviétique étaler ses rancœurs dans un livre publié en Occident. Donc là encore, le manuscrit a été tronqué. Il ne s'agissait pas d'un manuscrit. Les hommes du KGB ont été très habiles. Ils ont enregistré des conversations avec Khrouchtchev. Peut-être même est-ce Victor Louis qui, rappelons-le, devait sa liberté à l'ancien dirigeant qui l'a interviewé. Clandestinement ou pas. Quoi qu'il en soit, ce sont ces bandes magnétiques soigneusement expurgées des principales critiques que Khrouchtchev avait formulées contre les dirigeants au pouvoir que Victor Louis a transmises à un journaliste américain de ses connaissances. Oui, à partir de ce moment-là, il était facile de vérifier leur authenticité. Hein. Oui, les spécialistes américains ont établi qu'il s'agissait bien de la voix de Khrouchtchev. Et le livre de mémoire a été imprimé à partir de ces bandes tronquées par le KGB. Ce n'est que bien plus tard, dans les années 90, qu'on a pu publier le texte complet. Mmh. Mais Victor Louis, alors, instrument de ce département du KGB spécialisé dans la désinformation, n'a-t-il connu que des succès? Bien sûr que non. La désinformation est un instrument très difficile à maîtriser. Je vous donnerai deux exemples. Le premier se situe à la fin des années 60. Les relations entre l'URSS et la Chine se sont alors fortement dégradées. Il y a même eu des combats à la frontière sino-russe. Oui, pas mal de dégâts. Oui, on a compté un million de morts. Il faut aussi rappeler que la Chine est alors en pleine révolution culturelle et que les révisionnistes soviétiques n'ont pas très bonne presse chez les gardes rouges. Au Kremlin, on est inquiet. D'autant plus inquiet que la Chine est désormais une puissance nucléaire. Alors, on va essayer de faire peur aux Chinois. Et c'est Victor Louis qui va être l'instrument de cette campagne d'intimidation. Comment va-t-il procéder, hein? La presse, toujours. Mmh. Fin 1969, il publie dans la presse occidentale une série d'articles indiquant que Moscou, à l'armée, est prête à intervenir avant que Pékin ne soit doté de missiles capables de transporter ses bombes atomiques. Mmh, intervenir, une intervention militaire, donc? Et même nucléaire. C'est aussi, entre parenthèses, une façon d'alerter l'Occident sur les dangers que représente la Chine. Et Victor Louis, de mettre en garde contre le péril jaune qui menace son pays, mais aussi les puissances occidentales. Mais le résultat ne sera pas à la hauteur de ses ambitions, bien au contraire. Mmh, expliquez là. Ben, les Chinois ont vraiment cru à la menace soviétique. Conséquence, ils se sont tournés vers les Américains. Et en 1972, Richard Nixon fera le voyage à Pékin. Ouais. Échec sur toute la ligne, donc. Hein? Mmh. Et vous avez parlé d'un deuxième exemple? Oui, dans les années 70. La grande préoccupation des dirigeants soviétiques, ce sont les dissidents. Mmh. Surtout après la signature des accords d'Helsinki en 1975. Des accords qui prévoient la libre circulation des hommes et c'est des ça, idées. Oui, hein, oui. En URSS, les opposants au nom de ces accords donnent de la voix et se font connaître en Occident. Et malgré la prison, les internements psychiatriques et les brimades de toutes sortes, les autorités soviétiques ont du mal à juguler le mouvement contestataire. Oui, ils ont encore du mal à faire taire ceux qui les soutiennent à l'Ouest. Hein. Exact. Victor Louis s'est d'abord occupé du plus célèbre d'entre eux, Andrei Sakharov. Lorsque le physicien reçoit le prix Nobel en 1976, il demande aux autorités de pouvoir se rendre à Oslo. Moscou tergiverse, prétexte que le physicien qui a travaillé à l'édification de la bombe H soviétique ne saurait voyager à l'étranger sans danger. Furieux, Sakharov envisage d'écrire une lettre de protestation publiée dans la presse étrangère. Mais Victor Louis lui brûle la politesse. Que fait-il ? Il écrit dans son quotidien préféré, Evening News, que si Sakharov a été interdit de voyage, c'est parce qu'il est en possession de secrets d'État. Et en aucun cas parce que c'est un dissident. Un peu plus tard, le journaliste récidivera dans le mensonge. Après l'explosion d'une bombe dans le métro de Moscou, Victor Louis, toujours dans son quotidien londonien, accuse les dissidents d'être à l'origine de cet attentat. Le but étant, enfin j'imagine, de discréditer les dissidents. Et là encore, de tester auparavant la réaction des Occidentaux en cas de répression. Mais, et c'est pourquoi j'ai parlé d'échec, cette affaire fera long feu. Car l'accusation paraît invraisemblable. Mais il n'empêche qu'elle a été publiée dans un journal britannique sérieux. Oui. Et c'est regrettable, mais parfaitement représentatif de l'influence qu'avait Victor Louis en Occident. Et comment se termine, là, rappelez-moi, cette affaire de la bombe dans le métro ? Moscou, voyant que l'accusation contre les dissidents n'est pas prise au sérieux, change son fusil d'épaule. Ce sont maintenant les nationalistes arméniens qui sont accusés. Trois d'entre eux sont arrêtés et bientôt passés par les armes. Fin de l'histoire. Mais il n'est pas exclu que cet attentat, qui a fait de nombreuses victimes, n'ait pas été une provocation perpétrée par les organes de sécurité. Ouais, afin de pouvoir sévir contre les dissidents. Certainement. Notons en passant que Victor Louis n'en restera pas là avec Sakharov, quand le physicien et son épouse seront relégués loin de Moscou. À Gorki, oui. Eh bien, il ira photographier et filmer les Sakharov. Image destinée à prouver à l'opinion occidentale que le couple n'était nullement maltraité. Et encore un peu plus tard, en 1986, c'est encore Victor Louis qui fera parvenir au Bild Zeitung une interview de Sakharov où celui-ci, sur la foi des informations scientifiques publiées par la presse soviétique, minimisera les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl. Et quand Victor Louis a-t-il cessé ses coupables activités ? Il est mort à Londres en 1992, crise cardiaque. Mais dans les années qui ont précédé sa disparition, Victor Louis n'a plus guère été actif. Sous Gorbatchev, le KGB a peu à peu cessé de recourir aux mesures actives. Ouais. Alors, Victor Louis ne servait plus à rien, quoi. Mais son pouvoir de nuisance a longtemps été considérable. Pour en terminer, je voudrais vous raconter une dernière histoire assez peu connue. Victor Louis, je crois vous l'avoir dit, voyageait beaucoup et rencontrait des personnages haut placés, mais ça pouvait être aussi compromettant pour ses interlocuteurs. Et à cause des liens supposés du journalisme avec le KGB. Bien entendu. Et c'est à dessein que Victor Louis a par exemple rencontré à plusieurs reprises Henry Kissinger dans les années 70. Ouais, pour le mouiller. Oui, ça a failli marcher. Hein. Pendant un temps, le secrétaire d'État de Nixon a vraiment été soupçonné par la CIA, mais aussi chez nous, par le SDEC, d'être un agent du KGB. Qui était réellement Victor Louis ? Une partie du mystère demeure. En 1992, à l'occasion de sa mort, Jacques Amalric écrit par exemple dans le journal Le Monde. Malade et devenu inutile, Victor Louis avait progressivement disparu de la scène depuis l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir. Sans doute mettait-il en application ses connaissances de l'économie de marché. Peut-être aussi travaillait-il à des mémoires en forme d'auto-réhabilitation. Plusieurs personnes se souviennent après tout de l'avoir vu pleurer sur son sort d'incompris au petit matin et la vodka aidant dans les années 60 et 70. Enfin, à l'adresse de tous ceux d'entre vous qui aimer le mystère, je recommande la lecture d'un livre récent de Christophe Deloire, Cadavres sous influence, une revue assez impressionnante des morts mystérieuses survenues sous la Ve République. Le livre de Deloire, journaliste au point, est publié par Jean-Claude Lattès. À samedi prochain, et je vous rappelle que sur notre site franceinter.com, vous pourrez obtenir toutes les précisions bibliographiques et discographiques à propos de cette émission.